Section 3 de La branche de lilas par Ouida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. 3. Quand les lilas furent passés, la troupe, dont je faisais partie, accepta des offres avantageuses qui la conduisirent à Spa pour la saison. Je connaissais le pays. Au temps de ma jeunesse errante, nous l'avions souvent traversé en nous rendant, par la Lorraine et le Luxembourg, aux kermesses des divers bourgs et villages flamands. Il y avait longtemps de cela. Il ne s'agissait plus de dresser humblement sa tente dans quelque quartier retiré à l'intention des gens du peuple. C'était le monde élégant qui allait venir applaudir un acteur d'une réputation bien établie, sinon très brillante, et qui avait le prestige de Paris autour de son nom. La vue des bois et des champs, l'air des montagnes, me donnèrent une nouvelle verve. Je respirais enfin. La saison commençait à peine lorsque nous arrivâmes. J'eus donc tout le temps d'explorer avec ma femme les délicieux environs. Quelques artistes, jeunes gens pleins d'entrain et d'espérance, nous accompagnaient parfois, et l'écho des rochers retentissait de nos chants, de nos rires, à la profonde stupéfaction des grands bœufs qui sortaient d'entre les arbres pour nous regarder de leurs yeux graves et doux. Ce fut un instant de plaisir pur et sans mélange. Je me rappelle pourtant un nuage, si léger qu'il fût. Dans la partie la plus ancienne de la ville demeurait un vieux couple qui gagnait sa vie en peignant des éventails, des écrans, des bonbonnières et autres menus objets, l'industrie de Spa. Ces gens m'avaient obligé autrefois. J'allais leur rendre visite et ils eurent grand-peine à croire que le Piccinino qu'ils avaient connu tout petit eut grandi au point d'aborder une scène qui leur paraissait la plus brillante du monde. Ils s'émerveillèrent surtout de la beauté de ma femme, et le bonhomme voulut lui faire un présent. C'était un petit éventail noir, où il venait de peindre, avec beaucoup de grâce et de vérité, une touffe de violette. La vieille leva les yeux par-dessus ses lunettes et ne fit pas d'objection, mais je l'entendis marmotter ensuite. « Est-ce qu'elle s'en soucie ? Il n'a ni pierrerie, ni dorure. » Souvent, j'ai eu lieu de constater la sûreté, la cruauté de coup d'œil avec laquelle toute femme lit dans le cœur d'une autre. Peu de jours après, ce cadeau, fait avec tant de bonté, fut réduit en 1000 pièces. Elle l'avait laissé tomber par mégarde du haut d'un balcon. Je lui fis doucement reproche de sa négligence. « Ne sais-tu pas, lui dis-je, que c'est son travail de plusieurs jours qu'il t'a sacrifié, au risque de bien des privations ?» Elle haussa les épaules et répondit « Bah, cela n'avait pas de valeur. » Je ramassai les débris dans la rue pour les conserver. « Ce n'est qu'étourderie, me disais-je. Elle est jeune, elle est femme. » Mais pour la première fois, il me sembla surprendre une dissonance dans le gazouillement des ruisseaux, une ombre sur le soleil, et je humais, avec moins de délices, les parfums de l'été. Pourquoi se serait-elle souciée de mon amour plus que de ce pauvre éventail brisé ? S'il n'était question que de valeur, valait-il davantage? Bientôt, l'avenue ruissela de cavaliers et d'équipages. Les oisifs affluèrent dans ces poétiques campagnes. Tout devint mouvement et bruit. J'en fus bien aise pour le théâtre. L'accueil qu'on me fit dépassa mes ambitions. J'acquis même une notoriété assez grande pour qu'on me désignât avec intérêt quand je passais, à l'heure de la musique, sur la jolie promenade de 7 heures. « Regardez cet individu mal bâti, disait celui-ci, c'est Piccinino. Je l'ai vu dans le Chevreuil. Il joue mieux que Ravel. » « Oui, répondait celui-là. Il a du talent. Mais quel monstre! Et cette jolie créature, on dit que c'est sa femme. » Et de rire. Alors la musique me paraissait discordante. Non que je fusse blessé des réflexions sur ma laideur. J'y étais habitué et je savais à quoi m'en tenir là-dessus. C'était cette façon de parler d'elle. Comme si, étant laid, je n'eusse pas mérité de la voir. Au fond, j'étais parfois de leur avis, et je me demandais, avec inquiétude, ce qu'elle pensait de son côté. Parmi les curieux qui regardaient avec surprise ces époux mal assortis, il y avait un jeune marquis de Carolier, officier de cavalerie, beau comme une femme. Il fut beau vivant et mort. Je vois ses traits là-bas, là où se trouve la branche de lilas. Vous ne comprenez plus ? Je suis seul, dans ma prison. Et l'automne touche à sa fin. Et les lilas ont été déchirés par la mitraille, labourés par les boulets sur toute l'étendue de la France. Ils ne fleuriront plus cette année, ni aucune autre. Ils sont tous morts, pour jamais, pour jamais. Il vous semble que je délire ? Non pas, vous ne pouvez voir la figure du mort. Vous ne pouvez respirer les lilas, mais moi je le puis. Non, je ne suis pas fou. Je suis calme, au contraire. Je vous dirai comment tout est arrivé. Laissez-moi continuer, à ma manière. » Je me tenais autant que possible à l'écart de la foule élégante, n'ayant rien de commun avec elle, aucun moyen d'y briller. Je jouais chaque soir, et comme je ne connaissais pas de personne de son sexe à qui je pusse confier ma femme, je l'emmenais avec moi au théâtre. Tandis que j'étais en scène, elle restait dans ma loge. C'était triste pour elle, je le conçois, elle eût voulu entrer au Kursaal, aller au bal. Mais les honnêtes femmes eussent tourné le dos à une femme de comédien, et je ne lui eusse jamais permis d'échanger un mot avec des femmes d'une condition douteuse. Nous n'allions donc nulle part, et cependant nous rencontrions tout le monde, à la promenade, à la musique. On se rencontre sans cesse, à Spa. C'est ainsi que le hasard, ou sa volonté, amenait 10 fois par jour sur notre chemin le jeune marquis de Carolier. Il passait et repassait à cheval devant notre chalet de l'avenue du Marteau. Je le remarquais d'abord pour sa figure. Les gens aussi laids que moi ne manquent jamais d'être frappés de la perfection physique. Il courait brillamment les steeplechases. Il gagnait sans relâche au jeu, où il lui était si indifférent de perdre. Il était adoré par les beautés à la mode. Riche, aimable, un de ces hommes en un mot dont tout le monde parle. J'aurais dû dire déjà qu'elle avait eu contre moi sa première colère, du moins la première qu'elle montra au sujet du jeu. Elle employa toutes ses séductions pour me persuader de faire fortune en une nuit à la roulette. Je refusais. Je n'étais pas plus vertueux qu'un autre. Je ne blâmais pas ceux qui jouaient. Mais quant à moi, j'eusse trouvé extravagant de risquer le peu que nous avions sur une carte. Ma résolution fut donc ferme et lui sembla cruelle. Elle voulait des robes, des bijoux, comme les grandes dames. Elle voulait passer en voiture sur les routes verdoyantes, déployer le soir à la redoute ses traînes de satin. Elle voulait, en un mot, être tout autre que ce qu'elle était. C'est une maladie très commune et toujours mortelle. Que le luxe fût l'élément de cette petite brodeuse de dentelle, je ne m'en étonnais pas, élégante et délicate comme elle l'était naturellement. Mais pouvais-je le lui donner? Elle le croyait sans doute. Elle me reprochait de ne pas vouloir me procurer en une heure autant et plus que je ne gagnais en plusieurs années. Elle ne me pardonna jamais d'agir selon la raison et ma conscience. Je crois que Carolier attira d'abord son attention parce qu'il passait pour jouer follement et gagner toujours. Il connaissait notre directeur je ne sais comment. Un soir, il vint dans la coulisse me faire les compliments les plus courtois. Sa franchise, son aisance me plurent. Néanmoins, je lui fermai au nez la porte de la loge où je rentrais m'habiller. Ma femme était là, faisant de la dentelle pour elle-même désormais. De grosses larmes coulaient sur son ouvrage. « C'est si ennuyeux !» murmurait-elle piteusement. « Si triste. Vous n'y pensez pas, vous. On vous applaudit, on vous rappelle. Mais ici, je n'y peux plus tenir. J'entends les rires et les bravos, et je suis toute seule. » Je ne pus supporter de la voir dans cet état. Je me blâmais de l'abandon où je la laissais, et dès le lendemain, je l'amenais dans la salle afin qu'elle s'ennuyât moins. Tout en jouant, j'aperçus à ses côtés Carolier, qui avait demandé, paraît-il, au directeur de le présenter. Je les rejoignis dans l'entracte. Il disait combien il était là des folies quotidiennes où il s'était engagé. Il nous demanda la permission de se joindre à nous pour un de nos déjeuners dans les bois. J'y consentis volontiers. Je me sentais attirée vers ce jeune homme, et j'avais en elle une foi parfaite. Le lendemain, il vint donc, et notre partie se trouva gâtée, car il voulut nous conduire dans sa voiture attelée de 4 chevaux, en harnais flamands à clochettes, et mes camarades, qui nous rejoignirent à pied sous la poussière, par la chaleur, ne furent pas gais comme de coutume. Une sorte de gêne régnait dans la réunion. Ce n'était pas la faute du marquis. N'eût-il été qu'un bohème comme nous, il n'eût pu se montrer plus simple et plus cordial. Mais les chevaux piétinaient à quelques pas sous leurs clochettes d'argent. Notre petit vin léger avait été remplacé par du champagne. De grands laquais avaient étendu des tapis sur la mousse. Et je ne sais quel charme subtil s'était évanoui, au moment même où chacun de nous sentait que nous n'étions plus entre égaux. Il dut s'ennuyer tout autant que dans son monde. Néanmoins, il persistait à rechercher notre société. Mes camarades en étaient flattés. Pour ma part, j'esquivais les invitations. Ce fut encore là une cause de discussion entre nous deux. Elle ne pouvait comprendre que nous ne nous rendissions point aux soupers et aux fêtes de toutes sortes que donnait cet homme du monde dont l'opulence l'avait ébloui. Et comme il ne me convenait pas de souffler son oreille en lui répétant les mauvais propos que je prévoyais, elle dut croire que je lui résistais par caprice ou tyrannie. Le dépit lui dicta souvent d'injustes reproches. Elle m'accusait, avec des violences d'enfant gâté, de ne pas vouloir qu'elle fût heureuse. Puis, peu à peu, les reproches cessèrent. Elle devint douce et soumise, parlant peu, ne tenant plus à sortir et restant volontiers des journées entières à une fenêtre de notre chalet, sa dentelle à la main. Ses longues rêveries souriantes m'étonnaient, et quand, après un silence de quelques minutes, je lui adressais la parole, il lui arrivait de tressaillir, comme si je l'eusse éveillée d'un rêve. Je la crus malade, elle m'affirma qu'elle ne souffrait pas, et en réalité, je ne lui avais jamais vu des yeux aussi brillants, un teint aussi animé. L'air de montagne, pensais-je, était peut-être un peu vif pour elle, et la rendait nerveuse. Comment aurais-je évité de la laisser souvent seule? Il n'y avait pas d'autre troupe théâtrale à Spa. Pour amuser un public qui se renouvelait à d'assez longs intervalles, nous étions donc obligés de varier sans cesse le répertoire, et l'étude de mes rôles me laissait de moins en moins de loisirs à mesure qu'avançait la saison. Le soir, ma femme allait s'installer dans la petite loge de baignoire que j'avais obtenue pour elle. Parfois, assez rarement, dans les entr'actes, j'y trouvais Carolier. Il paraissait m'éviter. Je pensais qu'il m'en voulait d'avoir repoussé ses avances. Un jour aussi qu'il avait envoyé à ma femme un magnifique bouquet de fleurs rares, je l'avais pris à part pour lui dire tout sincèrement « Votre intention est bonne et gracieuse, mais ne recommencez pas, je vous prie. Songez que ce qui n'est que courtoisie avec vos égaux est, pour des gens de notre sorte, une dette que nous contracterions qu'en perdant le droit de nous respecter nous-mêmes, qui est notre honneur à nous autres. » Il parut ému, rougit légèrement et me serra la main. Depuis, il n'envoya plus de fleurs. Toutefois, je me figurais qu'il m'avait su mauvais gré, en y réfléchissant, de cette petite leçon. J'allais jouer une pièce inédite qui devait être, croyait-on, mon plus brillant succès. Il y avait de grands personnages à Spa en ce moment, et faute de meilleures distractions, ils venaient au théâtre. La bienveillance qu'ils me témoignèrent avait augmenté la popularité dont je jouissais, et mon mérite aux yeux du directeur. Ce soir-là, elle prétexta un mal de tête qui lui faisait redouter l'atmosphère suffocante du théâtre. Avec son plus beau sourire, elle me dit qu'elle attendrait le récit de mon triomphe, dans son fauteuil, près de la fenêtre ouverte. Je trouvais sa résolution raisonnable par l'extrême chaleur qu'il faisait. Je ne la pressai nullement de m'accompagner et partis, lui laissant une énorme gerbe de roses blanches que j'avais rapportée de la ville. Elle la mit dans son vase bleu, déclara que cette fraîche odeur lui avait déjà fait du bien, m'embrassa en murmurant d'une voix tendre « Au revoir, au revoir !» Le dernier regard que je fixais sur elle me la montra assise dans le profond encaissement de la fenêtre, ses roses et son métier à dentelle sur la table auprès d'elle, et agitant la main en signe d'adieu. Je n'avais pas l'ombre d'un soupçon, d'un pressentiment. Je me disais au contraire, elle a sûrement appris à m'aimer un peu. « Vieille histoire, dites-vous. Oui, bien vieille. » Je me dirigeai vers le théâtre, l'avenue, au coucher du soleil, était inondé d'or et de pourpre. La musique jouait sur la place royale, tout le monde était dehors. Il avait plu, de sorte que la végétation prenait un nouvel essor dans cette humidité chaude. Des nuages de mille formes charmantes effleuraient les vertes collines et semblaient s'y reposer. Je vis la foule entrer dans les salons de jeu et en sortir. Carolier en sortait. Il ne parut pas me voir. Quelqu'un dit auprès de moi « Une veine extraordinaire, il gagne tous les jours. » Si cela continue de même, une semaine encore, il fera sauter la banque. » Un autre passant ajouta, « Parce qu'il n'a besoin de rien, tout vient à lui. » J'entendais ce qu'on disait du marquis, mais je ne l'enviais pas. Je n'enviais personne. Je n'eusse pas changé ma place de comédien pour celle d'un roi. Jamais je ne m'étais senti si heureux que ce soir-là, en traversant la ville, pour passer du parfum des jardins à l'antre obscur où devaient s'exercer mes talents. La pièce nouvelle, Le pot de vin, de Thibautin, bien qu'elle n'eût pas le sens commun, était des plus gaies et assez spirituelles. Je ne l'ai jamais jouée depuis. Chaque ligne du rôle est gravée cependant au fer rouge dans mon cerveau. Je fus rappelée 5 fois. Un grand-duc étranger m'offrit sa tabatière d'or en me félicitant. Je compris que j'avais un avenir assuré, une réputation qui grandirait d'année en année. Je sortis du théâtre plus heureux que jamais. La nuit, très chaude encore, était sans étoiles. Des nuages épais pesaient dans l'air qui semblaient faire silence. La petite ville n'avait que juste assez de lumière pour rendre plus sombre par le contraste le cercle des montagnes. Les plantes exhalaient des parfums enivrants inconnus dans le jour et étaient chargées de rosée. Rien ne troublait ce grand calme. Chacun était au bal ou au salon de jeu. En atteignant ma demeure, je vis une faible clarté briller entre les volets autour desquels se découpait en noir une vigne grimpante. Je levai les yeux vers le ciel, et bien que jusque-là j'eusse fort peu pensé à Dieu dans la vie que j'avais menée, je le bénis. Oui, je bénis Dieu, cette nuit-là. Ouvrant la porte, je montai l'escalier. J'entrai, je la cherchai à sa place accoutumée, près de la lampe. Elle n'y était point. Inutile de vous en dire davantage. Une si vieille histoire. Pendant les semaines qui suivirent cette nuit, je ne me rendis compte de rien. J'étais fou, à ce qu'on dit. Je ne me rappelle rien. Rien que cette chambre déserte, cette gerbe de roses blanches, cette lampe avec le petit crucifix au-dessous, et la chaise vide à côté de laquelle le réseau de dentelle était tombé tout emmêlé. Elle était partie sans un mot, sans un signe, et cependant c'était si simple. Chacun l'avait prévu, excepté moi. On n'entendit plus parler de lui, ni d'elle. Les gens de la maison prétendirent ne rien savoir. Mais par terre, on avait oublié une lettre déchirée. Cette lettre ne renfermait que peu de mots. Assez, cependant, pour me prouver que, lorsqu'elle avait baisé mes lèvres, en souriant, pour me renvoyer au théâtre, elle savait déjà que la même nuit, elle devait me trahir. Ce sont là, dit-on, des façons de femme. Il se peut que j'aie été fou. L'automne était fort avancé, quand j'eus de nouveau conscience de ce que je faisais, de ce que je disais. Le pays était désert, les bois étaient jaunis, la musique éteinte, les fleurs mortes. Je m'éveillais stupide, mais calme, et comprenant ce qui était arrivé. Il me semblait avoir vécu bien des années depuis cette horrible nuit. Mes cheveux étaient devenus gris, je me sentais faible et vieux, ma vie était finie. Je m'étonnais de n'être pas, comme les autres, tranquille dans ma tombe. Quand on me permit de sortir, je me mis à errer par les rues, en proie à une idée fixe. Les suivre, les retrouver. Combien de temps j'avais perdu déjà ? Ma troupe était partie, bien entendu. Le peu d'argent que je possédais avait été pris. On me dit que je devais ma vie à la charité. Ma vie ! Je leur éclatai de rire au visage. Ils eurent peur, me croyant encore fou. Je ne l'étais plus, je savais ce que je faisais. J'avais un but qui seul me donnait le courage de vivre, ne fût-ce qu'une heure de plus. Elle ne valait rien sans doute, mais je l'aimais. Non que je songeasse à la reprendre, je ne descendis pas si bas. Ma vie avait été droite et sans tache aux yeux des hommes, et j'étais incapable de la marquer d'une telle lâcheté. J'avais d'autres desseins. Dès l'aube, je quittai la ville, je n'avais pas un sou. Mon talent, on l'avait tué. Pour moi, il n'était plus de carrière. Ma réputation à son aurore était déjà une chose du passé. Vous voyez qu'elle avait tout détruit. Oh, sans calcul, ils ne pensent pas, ces êtres charmants et doux. Peu importe la façon dont j'ai subsisté entre le jour où je partis de Spa et le jour où une sentence de mort fut prononcée contre moi. Mon ancien métier m'était devenu odieux, impossible. En vain eussé-je essayé de le reprendre, je n'aurais jamais pu faire un mouvement en scène, ni prononcer un mot. Des hommes, des femmes aussi, ont joué le cœur brisé, saignant, et le monde les a applaudis. Mais il m'eût suffi à moi d'entrer dans un théâtre pour que ma raison s'égarât de nouveau. Le dernier soir, songez-y donc, j'avais été si heureux. Ce dernier soir, dans mon ivresse, j'avais prié. Je menais la vie d'un misérable, non pas celle d'un mendiant. Les difficultés que j'avais traversées depuis l'enfance m'avaient accoutumé à me contenter de peu et à imaginer plus d'une manière de gagner le pain quotidien. Tout l'hiver, je m'informai vainement d'elle et de lui. J'attendis d'abord à Paris, un homme de son rang et de sa fortune ne pouvant manquer d'y venir. Ensuite, j'allai chercher ses traces, dans le Midi, d'où il était originaire. Je vis son château, un château princier, au milieu de forêts de pins, mais on me dit qu'il n'y était pas venu depuis des années, qu'il devait être en Italie. Je parcourus donc l'Italie, j'arrivais toujours trop tard, il avait toujours quitté chacune des villes où j'entrais. Une fois, à Venise, je ne le manquais que de 24 heures. Un gondolier me dit qu'il avait une femme avec lui, une vraie rose. Ah, Dieu, c'était au printemps, partout fleurissaient les lilas. Je vécus pour les voir et pour entendre cela. Comment les balles de demain me feraient-elles souffrir ? Laissez-moi terminer vite. Je ne voulus pas mourir sans vengeance. L'été vint, avec l'été, la guerre. Quand elle fut déclarée, j'étais à la frontière. Je rentrai dans mon pays le plus vite que je pus, voyageant à pied. J'avais tout perdu, force, intelligence. sous l'empire de ce qu'on appelle une monomanie. Croyais toujours la voir me regarder au milieu des lilas. Je fuyais mes anciens camarades. Quelques-uns me seraient venus en aide, volontiers. Leur intention était bonne, mais j'eusse préféré un coup de couteau. J'évitais tout ce qui pouvait me rappeler ce que j'avais été. J'étais morose, peut-être fou en somme. Quand on me parla de la guerre, je me réveillais. La guerre me rappela au nombre des vivants. Je n'étais plus bon à autre chose. Cependant, je pouvais encore frapper. Puis, je savais qu'il était soldat. Comment ne l'aurais-je pas retrouvé quelque part dans la mêlée? D'ailleurs, tout en ne me connaissant pas de patrie, j'aimais la France. Même dans ma misère, je l'aimais pour ce qu'elle m'avait donné, pour son soleil, pour sa gaieté, pour ses nuits étoilées, ses riants villages, ses treilles hospitalières, pour sa beauté. Elle m'avait prodigué des heures délicieuses. Elle avait été ma nourrice. Elle m'avait consolé par ses chansons quand j'étais nu et affamé. Je n'étais pas ingrat. Au mois de septembre, je rentrai donc en France. C'était le lendemain de Sedan. J'entendais tout le long des routes courir comme un murmure de révolte et d'angoisse la nouvelle de nos désastres. Ce n'était jamais l'exacte vérité. C'était assez près de la vérité pour être horrible. La soif de sang qui m'avait possédé depuis la nuit maudite où j'avais trouvé sa chaise vide sembla s'exaspérer jusqu'à ce qu'enfin je ne visse plus que du sang dans l'air et dans les eaux. J'avais toujours été d'humeur pacifique. Je détestais les querelles. Et mes camarades avaient coutume de dire, en plaisantant, que je serais le premier à protéger contre la justice quiconque m'aurait dévalisé. Mais tout était changé. J'étais devenue une sorte de bête de proie. J'avais besoin de tuer pour apaiser la soif ardente qui me consumait. Vous ne me comprenez pas? Eh bien, priez Dieu, si vous avez un Dieu, de ne me comprendre jamais. Personne n'en peut répondre. Il arrive qu'un seul jour nous change à tel point que la mère qui nous a portés ne reconnaîtrait pas ses fils. Je me haïssais, et néanmoins je ne pouvais être différent. Si nous devenons responsables de nos transformations dans la suite, ce sera bien injuste. Nous ne pouvons y échapper. Quand j'arrivais dans le centre, il se formait partout de nouveaux corps, des bandes de francs-tireurs. Je m'engageais dans une de ces dernières. J'étais robuste et d'assez grande taille, quoique mal bâti. Je m'engageais avec une seule pensée, frapper pour mon pays et tôt ou tard l'atteindre, lui. Je me battis plusieurs fois, fort bien, m'a-t-on dit. C'est probable, car des fureurs de tigre se déchaînaient en moi et je n'avais conscience d'aucun péril personnel. Nous vivions dans les bois, nous nous cachions le jour, la nuit nous battions la campagne, nous arrêtions les convois, nous coupions les fils télégraphiques, nous interceptions les dépêches, nous attaquions et souvent nous mettions en déroute la cavalerie ennemie. Nous savions que pris, nous serions pendus, comme des meurtriers ordinaires, pour le crime de patriotisme. Mais je ne crois pas que cette pensée ait jamais fait hésiter personne. Parfois, dans les forêts ou le long des routes, nous rencontrions le cadavre d'un des nôtres, pendu à un arbre, et ce spectacle ne nous rendait pas plus doux. Notre sang coulait comme de l'eau, et le sang de la vieille noblesse ne manqua pas au sacrifice. Oui, la France eût été sauvée. Rien ne m'empêchera de le croire si quelqu'un avait su nous discipliner et nous conduire. Les guérillas peuvent faire beaucoup. Pour aller jusqu'à la victoire, il faut un chef de génie. Nous n'en avions point. Si le premier Bonaparte eût été là, nous eussions chassé l'ennemi, comme Marius, les Cimbres. Je crois que les autres nations en conviendront dans l'avenir. Pour le moment, elles sont éblouies, elles ne voient plus clair, elles adorent le soleil levant. Il est rouge de sang et il les aveugle. Avec le temps, le bruit courut que je me battais comme 10 hommes, et j'obtins un grade d'officier dans l'armée régulière. Pour moi, cela ne signifiait rien. Nom, rang, renommée, qu'en aurais-je fait? J'étais mort, mort avec ma vie d'autrefois. Il me semblait que mon corps fût habité par un démon, qui, à force de s'enivrer de sang, prenait une ressemblance avec l'humanité, telle qu'elle est en temps de guerre. Je passai des corps francs dans l'armée de Bourbaki. À mes côtés, je reconnus souvent d'anciens camarades de théâtre. Les artistes ont accompli, eux aussi, leur devoir envers la patrie. Le royaume bafoué de la Bohême a envoyé ses enfants par centaines à l'appel de la mort. Pendant tout ce temps, je ne me trouvais jamais en présence du visage que je cherchais partout, dans la mêlée, puis, l'ouragan passé, dans les monceaux de cadavres. « Est-ce un frère que vous voulez retrouver ?» me demandait-on souvent, en me voyant relever, puis laisser retomber un à un les morts sur le champ de bataille. Et je répondais toujours « Quelqu'un de plus proche qu'un frère. » N'était-ce pas vrai ? Mais longtemps, je cherchais en vain. La France était un océan soulevé par la tempête, et sur lequel toutes nos existences ressemblaient à de frêles esquifs, ballottées vers la tombe. Celles-ci poussaient à l'est, d'autres à l'ouest. Elles s'entrecroisaient dans la nuit sans fin, ne se doutant pas que les vents soufflaient si fort. Lors de la lutte suprême, nous avions fait une tentative pour nous frayer un chemin à travers le mur de fer qui entourait Paris. Soudain, dans l'épais linceul de blanche fumée où je m'enfonçais avec la ligne, s'élança, superbe, prompte comme l'éclair, une compagnie de cavalerie. Ses rangs étaient bien éclaircis, mais des nuages d'aveuglante poussière dérobaient ces désastres, et, quelque décimés qu'ils fussent, les cuirassiers de Corrèze, un des corps francs formés par la noblesse du Midi, chargeaient encore avec entrain. Tout près de moi, certain cheval gris tomba mortellement frappé. Celui qui le montait disparut une seconde, puis se releva. C'était lui. Je bondis, féroce. Mon épée était sur sa gorge. La fumée nous enveloppait. Personne ne l'aurait vu. Il était désarmé, en mon pouvoir. « En avant !» crièrent mes hommes, qui se croyaient victorieux. J'entendis, et je me souvins. Lui aussi combattait pour la France. Je n'osais le tuer. Je le lâchais. « Après, après !» lui dis-je à l'oreille. Il savait bien ce que je voulais dire. Arrêtant un cheval qui passait libre au galop, ramassant son sabre, il rejoignit les siens, et moi, je chargeais en ligne, avec mes hommes. Au milieu du rugissement de la fusillade et des cris d'un triomphe imaginaire, je poussais dans les rangs ennemis, puis je tombais, sans connaissance. Quand un chirurgien me trouva le lendemain matin, je n'avais pas la moindre blessure. Quant à la victoire, elle n'avait existé que dans les rêves des soldats vaincus, comme toutes les victoires de la France à cette triste époque. Je m'éveillais au sentiment du passé, du réel, en répétant dans mon cœur « Après, après !» Le moment ne tarda pas à venir. Les cuirassiers de Corrèze étaient passés dans l'Est. L'année nouvelle commençait. Bientôt sonna cette heure mortelle où tout ce que nous avions fait et enduré reçut pour récompense la honte de la capitulation. Combien y a-t-il de cela ? Un jour ? Une année ? J'étais parmi ceux qui crièrent au crime et à la trahison. Je n'avais aucune prétention d'être un homme d'État, mais je savais que, si j'eusse été au pouvoir, plutôt que de rendre Paris, je l'aurais brûlé, comme les Russes brûlèrent Moscou. Bien des gens pensaient de même. On ne les consulta pas, on ne les compta point. Nous n'avions qu'à nous taire et à regarder tranquillement les Allemands entrer à Paris. Quand la lutte et le carnage eurent cessé, j'éprouvais une impression étrange. Je me trouvais comme les gens qui, ayant entendu longtemps le fracas d'une cataracte, rentrent dans un lieu où tout est silence. Le calme les étourdit, les confond. Je me serais figuré que tout avait été une hallucination, un cauchemar, sans ce regard que je me rappelais si bien, et qu'il m'avait jeté quand le fer s'était appuyé sur sa gorge. Lorsqu'il m'arrivait de m'endormir, je me redressais tout à coup en murmurant « Après, après !» J'étais rentré alors dans la capitale, et j'allais souvent regarder la maison que j'avais habitée avec elle. Un obus avait ouvert la petite chambre rose et blanche sous les toits. Les murailles trouées à jour permettaient de distinguer la dorure du miroir, adhérente encore par place. Un autre obus avait fait du joyeux petit théâtre où j'avais joué à Paris, la première et la dernière fois, une ruine fumante. Et il y avait si peu de temps, grand Dieu. Dans ces moments-là, je me demandais pourquoi l'avoir épargné. Tous ceux que j'avais connus étaient tués ou morts de besoin. Je ne voulais pas de nouveaux amis. Je me tenais à l'écart de tout. Néanmoins, un jour vint où j'eus à prendre parti. Tant que l'on est sur terre, on ne peut se montrer poltron. Une autre guerre éclata, la guerre civile. Je choisis le parti populaire. Je restai à Paris. Le peuple avait-il raison ? Avait-il tort ? Je n'en sais rien, mais je lui appartenais. Je ne faisais pas de politique. Je demandais à peine ce que l'on se proposait. J'aurais trouvé lâche d'abandonner mes frères, mes pareils, voilà tout. Cette horrible saison s'écoula lentement, lentement. C'était hier, dites-vous ? Je crois qu'il y a 1000 ans. Le second siège fut pire que le premier. Je ne doutais pas qu'il ne fût à Versailles, et chaque jour je me disais « il sera inutile de l'épargner maintenant ». Du haut des bastions où flottait le drapeau rouge, je regardais à travers la fumée de la fusillade les bois de Versailles, en songeant « si nous pouvions nous rencontrer encore une fois, une seule fois, car j'étais libre désormais, les siens étaient contre les miens, cette pensée donnait du nerf à mon bras pour la commune ». Les rues ruisselaient de vin et de sang. La populace était ivre d'une ivresse sauvage. On pillait les palais, on profanait les églises. Je me battais hors des portes, quand c'était possible. Le reste du temps, je m'enfermais, afin de ne pas voir ni entendre. Je souffrais pour la France autant que je pouvais souffrir encore. Un jour que je revenais des fortifications, je passai dans une rue qui avait été presque entièrement détruite. Les maisons n'étaient plus que des monceaux de décombres calcinés. Peut-être y avait-il dessous les cadavres de leurs malheureux habitants. C'était une désolation inexprimable. Cependant, sur toutes ces ruines, une chose charmante survivait. De ce qui avait été un petit jardin, s'élançait un jeune lilas en pleine fleur, seul dans ce naufrage. Pour la première fois depuis qu'elle m'avait quitté, je tombai à genoux, je cachai ma tête dans mes mains, je pleurais comme pleurent les femmes. La fin était proche. On massacra les otages, on mit le feu à Paris. Il se passa des choses monstrueuses dont vous vous rendez compte mieux que moi qui étais au milieu de la tourmente et des flammes et de l'ignorance et du carnage, tout près de tout cela pour pouvoir rien juger. Du jour où l'on massacra les prêtres, je ne servis plus la commune. Mais je savais qu'elle périrait et à cause de cela, je ne désertais pas. Bien d'autres ont, comme moi, abhorré les derniers excès commis par le peuple, sans le renier cependant au jour de sa défaite. Je ne me battis ni pour ni contre lui. Je sortis dans la rue et je regardais. C'était l'enfer. Le ciel était noir, tout le reste illuminé par le feu. Les Versaillais se répandirent comme un flot, j'ignore pendant combien d'heures ou de jours. Cela me fit l'effet d'une nuit interminable qu'éclairaient les flammes éternelles. Des enfants couraient, l'incendie à la main. Des femmes noires de poudre, échevelées, la poitrine nue, semblables à autant de furies, vociféraient et maudissaient jusqu'à ce qu'une balle les renversât sur le pavé. Des fenêtres, des toits, le peuple tirait sur les soldats. Les soldats répondaient en donnant l'assaut aux maisons et en jetant des cadavres par les fenêtres. Vous savez tout cela. Inutile de vous le raconter. Ce qui vous paraîtra étrange, c'est que je pensais à mon lilas et que j'allais voir ce qu'il devenait. Les rues voisines brûlaient. Une lutte acharnée avait eu lieu dans le jardin, où nombre de morts gisaient, baignés de sang. Mais il était toujours debout. Ses grappes odorantes et son frais feuillage se balançaient dans l'air infecté. Je m'assis sur un tas de bois de charpente qui avait écrasé l'herbe au pied de l'arbuste, et j'attendis. Je n'avais rien à faire. Tandis que j'étais là, un officier, son sabre nu à la main, descendit rapidement la rue fumante en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il eût perdu son chemin ou ses hommes. Son uniforme était déchiré, poudreux, couvert de sang. Quand les flammes éclairèrent son visage, je jetai un cri de joie. Dieu me l'avait livré. Nous mettons toujours nos crimes sur le compte de Dieu. Je me dressai et lui barrai le passage. « Enfin !» lui dis-je. « Enfin !» Il s'arrêta et me regarda stupéfait. Sans doute, j'avais changé, moi, et il ne reconnaissait point mes traits. Je ne lui donnais pas le temps de respirer. Tirant mon épée, je me jetai sur lui. « Défends-toi !» lui dis-je, avant de le toucher. Nous nous battrions jusqu'à la mort. Cela je le jurais, mais loyalement, homme contre homme. Quand je parlais, il me reconnut. Il était brave. Il n'appela pas ses camarades. Il accepta le combat comme je l'offrais. Tombant en garde, « Je suis prêt, » dit-il. Le feu nous environnait de tous côtés. Les morts étaient nos seuls témoins. Le petit lilas se berçait au vent. Nos épées se croisèrent une dizaine de fois. Puis, il tomba. Son corps se ploya tel qu'une branche brisée. L'acier avait percé sa poitrine. J'étais vengé. Ce fut un combat loyal, d'homme à homme. Il me regarda en s'affaissant sur le pavé, un sourire étrange effleura ses lèvres. « Vous étiez vengé, déjà, » murmura-t-il lentement, et chaque mot, chaque souffle, passait avec effort. « Ne le saviez-vous pas ? Elle m'a trahi l'automne dernier. Elle avait un amant parmi les Prussiens, un plus grand personnage que moi. » Un flot de sang l'étouffa, il demeura silencieux, appuyé sur une de ses mains, le reflet des flammes sinistres se jouant sur son visage. Tout à coup, la rue se remplit de soldats, les siens. Ils m'entourèrent pour le venger, mais le dernier geste qu'il fit les écarta. « Ne le touchez pas, » dit-il tout haut. « C'est moi qui l'ai offensé. Le duel était régulier. » Comme il parlait encore, un frisson le secoua de la tête aux pieds. Il mourut. Ses cheveux trempaient dans le sang répandu à cette place. Une pâleur grise couvrit son visage. Dans cet état même, il était beau. Je ne bougeais pas, je restais debout, le contemplant. Ma haine s'était éteinte avec cette jeune vie. Je le plaignais passionnément, périr tous deux pour une cause civile. Bien entendu, on ne tint pas compte de ses ordres. On m'arrêta, je ne résistais pas. J'avais brisé mon épée que je jetais près du cadavre. Elle avait atteint son but, je n'avais plus besoin d'elle. On m'a amené ici. On m'a jugé, paraît-il. Et demain, on me fusille. Je suis aise que ce soit fini. Si vous demandez une grâce pour moi, ne demandez que celle-ci. Que les soldats qui me tueront ne soient pas les mêmes hommes avec qui j'ai si longtemps combattu pour la France. Et quand on me jettera dans la fosse commune, qu'on enterre avec moi cette branche de lilas. Elle ne vaut plus rien. Elle est morte. Ouida. Fin de la section 3. Fin de la branche de lilas par Ouida.